Le quattro plus un. Wadouakouakou, le magicien de la guitare. La sagesse est plus difficile à transmettre, mais c'est la voix la plus sûre d'éducation. La route pour donner à la vie des valeurs certaines, l'éthique des moralités. N'oubliez jamais le respect des autres. Si tu veux bien sûr le recevoir au retour, ta manchette est vite, tu te brûler la gueule. La douceur des mains, ouvre tes yeux. À ta guise, oui, fais ton choix. À ta guise, salané mon moni. À ta guise, oui, fais ton choix. À ta guise, salané mon moni. Je regrette de t'avoir commis sans blague. Ne te moque jamais, et ceux qui pleurent dans la rue. Aujourd'hui c'est leur tour, demain c'est le tien. Le monde était si fait, à chacun pour soi. Les manoirs, nouvelle vague. Popo Kabaka 10, la dédale Takouana, le grand groupe était Zaïko Lakaranga. Oh, premier concert à Wesama Kamwa. Nawaï, Nawaï, hein. Zaï Nawaï, te l'a dit, t'es yo. Oh, c'est bon, ça dit. Chérif de Dallas, est-ce que vous avez une zéro à Yaka Nango? Papa et Pessoa Yakati, Médaroua Saé. Mbalo yo, nako zila yo, zina kuna mbalo.